Oh là là là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh là là, oh là là, oh là là là. Vous savez, avant de savoir ce que vous savez, vous savez. vous savez, vous savez. Je ne sais pas.